Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette troisième émission des titulaires. On va parler en détail du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG jouera un Manchester United qui s'est séparé de José Mourinho. Alors bonne nouvelle pour le club de la capitale, l'avis des titus tout à l'heure. Ensuite, Lyon qui jouera Barcelone, les Gones pourront-ils rééditer les exploits réalisés face à City? C'est la question qu'on se posera et on fera évidemment le tour des autres huitièmes à suivre. Après la Ligue des Champions, un bilan de la phase aller de la Ligue 1, le multiplex de la 19e journée, c'est samedi soir. Que retenir de ce début de saison, les surprises, les déceptions, les réponses de toute l'équipe, c'est à suivre. Un point mercato pour finir, Rabiot, Lucas Hernandez, on en parlera en détail. Avec moi, Johan Guillet, Antoine Ballet et Arthur Vasson qui vous réservent une petite surprise en fin d'émission. Restez bien avec nous. Les titulaires, le débat. Et on commence avec la Ligue des Champions. Et oui, le mardi 12 février prochain débutent les premiers huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le match PSG-Manchester United. Alors, le PSG s'en sort bien ou est-ce que c'est pas le match piège, sachant que l'entraîneur n'est plus José Mourinho, mais Ole Gunnar Solskjaer, Johan? Bah écoute, pour moi, oui, malgré tout, Paris s'en sort bien. Alors, s'en sort bien, après c'est un grand mot. On va dire que c'est un gentil mot. Parce que cette situation est un petit peu similaire à celle de l'année dernière où Paris avait tiré le Real Madrid et où le Real Madrid faisait un début de saison catastrophique. Mais ça reste un grand club, donc il en a fallu peu pour que Paris passe. Mais le Real l'a eu à l'expérience. Là, Manchester n'a plus cette expérience. C'est là-dessus que peut compter Paris. On va voir la capacité qu'a le PSG à se surpasser pour ce genre de rendez-vous. Antoine. Ça dépendra de quel PSG on a, en fait, j'ai envie de dire. Parce que... Là, on a vu avec Tourelle qu'il y a un nouveau cycle qui s'est enclenché. Il y a un nouveau pressing. Il y a plus, c'est vraiment l'état d'esprit qui manquait aux Parisiens. Donc, du côté Paris, ça dépendra. Et après, le point d'interrogation, vraiment, c'est Manchester. À quoi va ressembler Manchester dans 2 mois? C'est impossible de le dire aujourd'hui. Bon, les états de service de Solskjaer ne plaident pas vraiment en sa faveur. Je peux vous dire qu'à Cardiff, ils sont plutôt contents de s'en débarrasser. Mais après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un entraîneur peut se planter dans un club modeste et réussir dans un très grand club et inversement. Là, vraiment gros point d'interrogation, mais ça dépendra des formes. Quoi. C'est ça, parce qu'à l'heure actuelle, Manchester United, c'est pas trop ça. Une seule victoire à domicile en Ligue des Champions, c'était face à Berne. Il y a une victoire face à la Juve, forcément, mais en Première Ligue, 6e à 5 points du 5e Arsenal et à 19 points du 1er Liverpool. Oui, mais après, comme Antoine et Johan l'ont dit, le match, il est en février. C'était quasiment le même bilan l'année dernière avec le Real Madrid. Ils avaient fini 2e. Mais moi, personnellement, je trouve que Le PSG n'en s'est pas forcément très bien tiré. Je suis désolé, mais quand on voit les autres équipes qui avaient attiré, comme l'Ajax d'Amsterdam, Schalke, quand on voit l'effectif de Manchester United, moi, je suis pas persuadé que... Certes, pour moi, ils vont avoir leur chance, forcément, mais je suis pas persuadé que ce soit si facile que ça, même s'ils ont changé d'entraîneur, même si l'entraîneur paraît mauvais, sans être très méchant. Après, il y a quelque chose qui plaide, on va dire, en la faveur de Manchester, c'est le mercato d'hiver. Maintenant, on le sait, depuis l'année dernière, je crois, tu peux recruter un joueur qui a déjà joué des compétitions européennes et qui peuvent jouer avec toi la seconde partie de saison. Ça change tout, parce que Manchester a des moyens financiers pour faire deux ou trois gros recrutements, au moins deux. Et c'est dans les tuyaux, on parle d'éventuellement deux gros recrutements dès cet hiver pour se renforcer. Et on ne sait jamais, deux joueurs, ça peut changer la face d'une équipe. Ouais, puis surtout, il y a quelque chose d'important à signaler, c'est que Paul Pogba, là, il n'était pas bien avec Mourinho, mais les quelques matchs où il était bien, on a vu qu'il pouvait quand même changer complètement l'équipe. Donc, s'il arrive à s'adapter dans, je ne sais pas, le nouveau schéma de jeu, attention, moi, j'ai très peur de Manchester United. Ça me rappelle un peu ce France-Argentine qu'il y a eu cet été. Eh ben, c'est un peu la même chose, on s'en méfie pas tant que ça, mais au final, je pense que ça va être très très compliqué pour le PSG. Ouais, et puis surtout, imaginons que Manchester reste mal en championnat, ils vont tout donner sur la Ligue des Champions, comme le Real l'an dernier. Et un Manchester qui donne tout, c'est ce qui leur manque en fait sur ce début de saison. En début de saison, à Manchester, on sent les joueurs qui sont lassés de jouer avec Mourinho, parce qu'on connaît la rigueur tactique énorme demandée par l'entraîneur portugais à ses joueurs. Et là, il y a un risque qu'ils se disent « Ok, nouveau coach, on n'a plus que la Ligue des Champions, on va tout lâcher, on va jouer à fond. » Et dans ce cas-là, ça peut faire deux choses. Soit ils vont rouler sur Paris parce que Paris va être surpris, ce qui m'étonnerait un peu de Tourelle, mais quand même, il y a un risque. soit au contraire, ils vont trop se lâcher et Paris pourra profiter des espaces. Donc en vrai, même dans ce genre de situation, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. C'est totalement imprévisible comme match. Justement, parce qu'on en parlait dans la dernière émission, on disait, moi, ce qui me faisait peur, c'était le style Mourinho, en fait. Le style Mourinho très, très défensif, qui pouvait justement poser des problèmes à ce Paris-là, qui ne sait pas jouer, galère, en fait. C'est là qu'on galère. Voilà, c'est ça. C'est là que Paris galère, et c'est là que Paris ne sait pas jouer, en fait, contre une défense qui est regroupée. Et c'est pour ça aussi, c'est ça qui va changer. Est-ce que un Manchester plus offensif, c'est pas finalement une belle aubaine pour Paris? Bah, pour être honnête, je ne suis pas sûr du tout que Manchester jouera de manière offensive. Voilà, j'allais dire, on connaît pas le style de Solskjaer. C'est un entraîneur intérimaire. On sait que Manchester vise absolument Pochettino pour l'année prochaine. Donc là, il y a vraiment, on va avoir un Manchester en phase de transition. Je pense sincèrement que Paris, avec le côté tueur que les joueurs ont, que Tuchel a amené dans ce club, ne fera pas les mêmes erreurs qu'au Real. Après, attention que Solskjaer ne fasse pas une Di Matteo, parce que c'est quand même ce qui s'est passé avec Chelsea, qui était au plus bas. C'est très juste. Et Mourinho est parti. Il me semble que c'était Mourinho, en plus, sur le banc déjà. Et c'est Di Matteo qui l'a remplacé. Au final, ils ont quand même gagné la Ligue des Champions. Donc, après, c'est dur de débattre là-dessus. En, parce qu'en finissant sixième, ils gagnent la Ligue des Champions. Ouais. En finissant sixième de leur championnat Chelsea cette saison-là. Donc, il y a quand même beaucoup de points communs. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais bon, ça va le faire, sûr. Ça va le faire, mais Paris en pleine forme face à Manchester United en pleine forme. Si on regarde sur le papier, normalement, le club de la capitale est au-dessus, non? Pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, Paris est au-dessus. Mais Paris a quelque chose en plus cette année. Là où on voyait Paris stagner depuis quelques saisons, je trouve quand même qu'ils ont un côté beaucoup plus tueur. Bah, c'est Tourelle, ça. Je trouve que le trio Cavani, Neymar, Mbappé, qui a mis un peu de temps à se lancer, est actuellement en pleine bourre, on peut le dire. Et Neymar, dans cette position de presque électron libre, parce qu'on peut le voir qu'il soit ailier ou en soutien de l'attaquant, il fait à peu près tout ce qu'il veut. Il est en électron libre total, il défend beaucoup plus. Et je pense que Tourelle a trouvé les dispositions qu'il fallait et qu'il manquait à Paris ces dernières années. Bah, c'est à mettre au crédit de Tourelle, en fait. C'est ça. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait en plus avec Yoann. On a regardé pas mal de matchs ensemble. Et à chaque fois, on me dit, mais Neymar qui est là, quoi. C'est génial. Alors que bon, là, le petit bémol qu'on pourrait donner, c'est Mbappé. On y reviendra, je pense, plus un peu plus tard dans les détails tactiques, vraiment. Mais ce Paris-là, à 100%, est meilleur pour moi que ce Manchester-là, à 100%. Après, il y a le mercato hivernal qui, en plus, il me semble que vous l'avez souligné, mais elle va changer cette année parce qu'ils pourront recruter des joueurs déjà en Ligue des Champions. Voilà, j'étais pas sûr, mais je préfère le redire pour être sûr. Voilà, comme ça, bon, il n'y a pas de doute. Mais oui, ça peut complètement changer le visage d'une équipe en un mercato. Donc. Surtout que, du coup, je l'avais dit auparavant et je te le redis, Antoine. Oui. Manchester, c'est dans les tuyaux, apparemment, chercherait deux gros joueurs, deux grosses recrues. Alors, aucun nom n'a filtré, mais apparemment, il y aurait une, voire deux grosses recrues pour cet hiver. C'est vrai que le mercato peut tout changer. On parlait de Tourelle, justement, il s'exprimait après le tirage au sort. Je ne suis pas satisfait ou non satisfait. C'est toujours difficile de jouer contre Manchester United, qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience dans cette compétition et ils ont gagné beaucoup de fois la Ligue des Champions. C'est toujours super difficile de jouer à Old Trafford et c'est un grand défi, un grand challenge pour nous, mais si j'étais spectateur, je vais regarder au télé, c'est sûr. Un gros match, on s'attend à un gros match en tout cas, ou ça sera un peu fermé et finalement ça sera difficile de voir des buts. Qui vous voulez? Moi je vois plus le match piège. Moi je vois plus le match piège avec Manchester qui va tout bloquer. Et Paris qui devra trouver la faille. En tout cas, à Manchester, je le vois comme ça. Au retour au Parc des Princes, pour moi, ça va changer. Ouais. Mais en tout cas, l'aller à Manchester, je le sens bien fermé ce match. Parce qu'il y a ça à souligner aussi, le fait que Paris ait fini premier de sa poule, ça veut dire qu'ils reçoivent au match retour. Et ça, c'est un avantage considérable, Antoine. C'est un avantage considérable, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que, bon, c'est clair. On l'a vu l'année dernière. Non, mais après, clairement, par contre, tu peux aborder le match dans un autre état d'esprit. Sauf que justement, le problème des Parisiens, de manière générale, là, effectivement, avec Tuchel, il y a une autre dynamique qui semble s'être mise en place. Mais Paris a toujours réalisé ses plus gros matchs à l'extérieur. Parce qu'il y a la pression. Il y a déjà la pression du résultat au match aller. Donc, on est obligé de se surpasser, en fait. À partir du moment où il y a ces matchs compliqués, je pense à Chelsea, par exemple. On peut penser aussi à Barcelone, c'était à domicile. au Bayern, c'était à domicile. Liverpool, qui était à domicile. Après, ça, c'est la phase de poule. C'est différent. Mais je pense... Après, Barcelone, c'est bien sûr un ovni dans l'histoire du Paris Saint-Germain récent. Mais les gros exploits, Paris les a réalisés en étant dos au mur. Alors que là, la seule fois où on a reçu au match retour, il y a peut-être eu une petite détente de dire ok, on a perdu, mais il y a encore moyen, c'est toujours possible, on est capable de le faire, et c'est ce moment où ils ont galéré un peu, où ils ont galéré le plus en fait. On va faire une petite pause après le PSG, on va s'écouter un petit peu de musique et on parlera de Lyon. Un jour j'ai ramené deux meufs, c'était nul. Ça m'a rappelé que j'ai du mal avec une. On m'appelle Nekfeu quand on me croise dans la rue. Avant j'étais bizarre, maintenant j'assume. J'aime que les mangas, j'aime que les mangas. Et les films de Van Damme, et les films de Van Damme. J'prends pas de bouteille en boîte, j'prends pas de bouteille en boîte. À Carrefour c'est 20 balles. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir. Mais j'fais de la musique de noir. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. J'mets que des t-shirts de geek. Japan Expo, c'est la Fashion Week. Tous les matins sont des lendemains de cuite. J'suis pas validé par la street. T'as 10 followers, t'as 10 followers. Tu peux les voir en vrai, tu peux les voir en vrai. Fanananananan. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir. Mais j'fais de la musique de noir. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Maître Gims. Lunettes noires, Pokéface, j'pose tapis. Arrêtez de faire chier Bernard Tapie. Tu crames les mêmes pas de danse comme Shaki. J'sais plus quel effet ça fait d'être trois fois platine. Ooh yeah, j'te taquine. J'suis le pont entre Young Thug et George Moustaki. Le noir le plus aimé du central massif. J'comprends toujours pas pourquoi autant de blancs me kiffent. Bernard Minet, Bernard Minet, Bernard Minet, Gory. Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Johnny. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studekweb. Et on est de retour pour continuer à parler de la Ligue des Champions et de Lyon qui rencontrera Barcelone à partir du 19 février. Alors la question elle est toute simple, est-ce que les Lyonnais vont le faire, Johan? C'est un tirage quasi impossible pour Lyon. Et bizarrement, je pense que c'est là que Lyon peut créer la surprise. Là où c'est possible. Lors de notre dernière émission, on avait eu un débat sur est-ce que Lyon ratait sa saison s'il était éliminé la Ligue des Champions. Et on était tous d'accord pour dire qu'on préférait voir un Lyon-Barcelone que Lyon face à un club de Ligue Europa, parce qu'on avait plus confiance en eux. Sauf moi. En Ligue des Champions. On avait pris l'exemple du coup de Barcelone, et ça tombe bien, c'est tombé sur le Barça. C'est énorme, quand même. On est visionnaire. Et c'est vrai, j'avais dit Manchester PSG aussi. Hein. J'ai trouvé les deux matchs pour les clubs qu'est-ce français. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est gentil. C'est toi qui as fait le tirage. En tout cas, non. Malheureusement. C'est le Real Madrid. Ça me serait tardé. Oh non, Johan. Ah, c'est pas non. Bien. C'est pas bien. Tu vas avoir des problèmes, toi. C'est pas grave. Non, mais plus sérieusement, Lyon peut faire quelque chose. Je pense que face à City, on était tous d'accord pour dire qu'en tout cas, au match aller à City, on voyait Lyon prendre peut-être même une raclée. Oui, complètement. Oui. Et il y a eu un match exceptionnel des Lyonnais qui ont gagné 2-1. Et au match retour, Lyon doit gagner ce 2-2. Ouais. Lyon doit absolument l'emporter. Et c'est un hold-up de la part de City d'égaliser après le deuxième but de Maxwell Cornet. Ouais. Donc franchement, je mettrai pas ma main en fait à couper, à brûler, à déchirer, à ce que tu veux sur une victoire du Barça. Antoine. Ah tiens. J'avoue que c'est tellement compliqué parce que au moment où Johan l'a dit, ça m'a surpris, mais quand il réfléchit, je pense que c'est peut-être dans ce genre de match que Lyon peut faire quelque chose en fait. C'est toujours, on parlait de Paris qui sont au pied du mur, Lyon c'est un peu quand ils sont déjà quand on part déjà éliminé, qu'ils commencent à se sublimer. Parce que Lyon est tellement dépendant de ses individualités que tu sais que sur ce genre de match, c'est les individualités qui vont justement se sublimer, dire voilà, je veux me montrer, je veux jouer. Et quand t'as des joueurs comme Fekir, comme Depay, comme Bertrand Traoré, qui vivent, on va dire, pour le spectacle. C'est des joueurs qui vivent pour le show. Après, Fekir est un peu plus équipe. Mais Depay et Traoré, c'est des joueurs de show. Et un Oussem Aouar qui est exceptionnel depuis le début de la saison. Mais Oussem Aouar, je ne le mets pas dedans parce qu'il est relativement régulier à Aouar. Oui. Il a eu des trous, comme toute l'équipe, mais il est relativement régulier. Alors que Depay et Traoré, c'est vraiment le symbole de l'OL de cette saison. Et c'est dans ce genre de match qu'ils peuvent se dire « Ok, là, je vais me donner à fond. » Bah, c'est ce qui s'est passé avec Manchester City, tout simplement, parce que je pense qu'aucun d'entre nous ne voyait Lyon tenir Manchester City. Et si ça avait été un huitième de finale aller-retour, bah, Lyon passait. Oui, t'as raison, mais là, le Barça est quand même prévenu. Là, on s'y attendait vraiment prévenu, pas. La... Lyon, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. City au retour était prévenu aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ouais. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est sur deux confrontations. Je pense pas que Lyon va réussir à passer sur deux confrontations. Non, la logique voudrait que... Bah oui, mais par contre, ils peuvent faire une surprise sur un des deux matchs. Là, oui. Et je pense sur le match aller. Ah ouais. Après, j'aurais bien aimé qu'au final, le match retour soit au Parc OL. Je pense que ça aurait pu faire du bien. Lyon aurait pu enflammer le match. Mais après, sait-on jamais. Ouais. C'est très dur cette année à pronostiquer Lyon parce qu'ils sont tellement en dents de scie depuis le début de la saison qu'ils sont capables d'arriver en février et mettre un 2-0 au Barça à domicile et puis tenir... Et d'en prendre 5 au retour. Bah. Ouais, c'est ça, exactement. Donc franchement, Lyon, je pense, j'y crois. Et franchement, je crois que... J'y crois plus que, par exemple, s'ils étaient tombés contre le FC Porto, là, ils auraient pu s'en manger une bonne. Mais là, franchement, je pense qu'ils ont peut-être plus de chances contre le Barça que par exemple, Porto. Et puis surtout, ils ont Pep Genesio, hein, un des meilleurs entraîneurs du monde, apparemment. Et Genesio, justement, y réagissait au tirage au sort. Oh, c'est certainement le tirage un des plus compliqués qu'on pouvait avoir. Voilà, maintenant, comme je le dis souvent, il y a des choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on ne maîtrise pas. Le tirage au sort, il faut faire avec, donc... Ça sera une belle affiche pour tous les supporters, pour ce stade qui a été construit pour accueillir ce genre de match. Et puis, on jouera notre chance à fond, même si on sait que c'est un adversaire qui fait partie des favoris pour la victoire finale. C'était le pire tirage à avoir pour Lyon. Oui, pour Lyon. Bah oui. Mais pour n'importe qui, en fait. Ah bah oui, je pense pour n'importe qui. Évidemment que c'était le pire tirage. Il y avait la Juve quand même aussi. Hein. De l'autre côté, la Juve... Voilà, moi, je préfère avoir le Barça que la Juve, hein, perso. Cette année, c'est vrai, mais en même temps, là, pour moi, c'est du même acabit. Mais t'es bien obligé de choisir au bout d'un moment. Hein. T'es bien obligé de jouer contre quelqu'un. Eh bien, je vais prendre Schalke. C'est du manque de respect pour Schalke. Et Lyon aurait pu se casser la figure contre Schalke. Mais Lyon aura sûrement plus de chances de se casser la figure contre Schalke. C'est marrant, je crois qu'on a déjà dit Barcelone. Ça avec Porto il y a quelques secondes. Mais c'est fou quand même de penser comme ça. C'est-à-dire que Lyon, sur le papier, voilà, Barcelone. Va manger Lyon, mais en fait, non, on sait pas. Mais c'est parce que c'est presque entré dans les mœurs maintenant, parce qu'on parle notamment beaucoup de cette saison, mais Lyon, ça a quasiment toujours été comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez des huitièmes de finale, je crois que c'était la première saison de Ronaldo au Real. Les huitièmes de finale, c'était Lyon-Madrid. Oui, et Lyon oui. est passé en s'imposant 1-0 chez eux, un but de loin de Jean de Macoun qui était Jean magnifique. De Macoun, ouais. Et Lyon avait fait 1-1 au retour avec un but de Pjanic. Et je crois que deux ans après, Lyon sort en huitième contre l'Apoel Nicosie. Oui, c'est exactement ça. C'est Lyon. C'est tout simplement Lyon. Non, mais même l'année dernière, contre le PSG au match retour, on pensait tous qu'ils allaient se faire mais manger. Ils gagnent 2-1, tu sais même pas comment. Depay, là, se te frappe à la 90e. Moi aussi, je sais comment. Moi, c'est le placement d'Areola, mais ça, c'est autre chose. Oh là là, mais il est toujours comme ça. Il est mauvais. Rancunier. Mourinho sort de ce corps. Il est mauvais. Justement, on parlait de la Juve. La Juve qui va jouer l'Atlético Madrid, ça sera le mercredi 20 février, le match retour le 12 mars. Atlético Madrid-Juve, ça risque d'être compliqué aussi pour la Juve, parce que là, ils tombent contre une équipe qui aime défendre. Ah, je pense que ça va être un match chiant, en fait. Parce que là, comme toujours avec l'Atlético, mais encore plus avec la Juve, en fait. Non, mais c'est deux équipes très rigoureuses tactiquement. Du coup, pour les tacticiens, ça va être un régal ce match. Hein. À regarder, je pense que tu regardes avec ton carnet, ton crayon. Mais pour le spectacle, là, j'avoue, je suis moins sûr. Atlético Juve, le vrai duel, c'est Simeone contre Allegri. Bah oui. On a un vrai duel. Mais ce match, pour moi, c'est le plus intéressant de tous, bizarrement. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le plus intéressant parce que la Juve, de base, reste supérieure. Mais la finale de la Ligue des Champions cette année, c'est au Vandame Metropolitano. Ah, c'est vrai. Le stade de l'Atlético. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça donne toujours un supplément d'âme, même si. On peut constater quand même que quand la finale est à domicile, ces derniers temps, ça réussit pas beaucoup aux équipes qui font la compétition. Après, bon, le Vandame Metropolitano, c'est pas un stade non plus très très chaud. On va dire, c'est pas forcément le genre de stade qui peut peser énormément sur l'équipe. Je crois que l'Atlético a des statistiques de malade. Ah oui, ça depuis, par contre, ouais. Depuis qu'il a ça son contre, ouais. stade. Ouais, ouais. Après, on reste au mercredi 20 février, ça sera Schalke contre Manchester City. Les Citizens qui s'en sortent plutôt pas mal. Ouais, mais après, bon, City, je dirais quand même. Toujours se méfier de Schalke. On sait jamais, quand même, ils sont capables de nous faire des trucs de dingue. On se souvient contre le Real Madrid, on les attendait pas du tout et ils ont très bien lutté. C'était il y a combien de temps? 4-5 ans? 4 ans? Moins que ça, non. J'avoue que j'ai pas l'année en tête. Schalke mais... en demi? Ouais. Ah, c'était il y a longtemps. Neuer était encore dans les buts. Ah ouais, quand même. Il me semble que c'était il y a longtemps. Non, hein. Je parle de ma. Ils ont failli éliminer le Real il y a 3 ans. Ah, quand 4, ils ont failli. Ouais. Ah, il y a 2 ans, ça. Il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans. Ah, 2-0, 3-0. Ouais, c'était il y a 2 ou 3 ans. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, Schalke, en fait, ils sont capable sur un tour comme ça de se sublimer sur un match et de s'effondrer. C'est un peu comme Lyon, mais en un peu plus surprenant, on va dire. Parce que Lyon, on sait qu'ils font ça. Mais Schalke, ouais. C'est une équipe qui attaque, donc qui a beaucoup plus de problèmes. Mais de là, prendre Manchester City à revers, j'y crois pas trop, hein, quand même, cette année. C'est un peu le même profil que Lyon, mine de rien. Après, quoique l'année dernière, Manchester City était aussi impressionnant à la même époque et au final, ils se sont fait éliminer contre Liverpool. Ils se sont fait même manger à domicile contre Liverpool. C'est Liverpool qui est en finale. Quoi qu'il en soit, City est favori. Oui, on est d'accord. Il y a un autre match, c'est le plus petit match. On va commencer par lui, c'est la Roma face au Porto. Alors ça, c'est vraiment le huitième de finale. Je sais pas ce qu'il fait là. Mais il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Qui est là? Il y en a toujours un. Tu sais pas. Après, ils vont prendre le Real. Et voilà. Comme Rome l'année dernière. Non, enfin, qui avait pris Barcelone. Non, mais... Enfin, c'est fou. Je pense que la Roma est quand même plus structurée. Ah, on va dire que ils ont fait une super phase de poule, 16 points sur 18 possibles. Pour moi, Porto a peut-être un côté légèrement supérieur. Maintenant, si on aime bien ressortir les dossiers de l'année dernière, hein, la Roma a éliminé le Barça. Donc pourquoi pas. Il y a un autre gros match, je pense, qui va nous donner des buts, c'est Tottenham Borussia Dortmund. Alors ça, je sens les buts. Je sens les buts arriver. Bah oui. Avantage Tottenham pour moi. Oui, je pense que ce soit Dortmund ou Liverpool, je pense que ce sont deux clubs qui vont plus s'intéresser au championnat qu'à la Ligue des Champions. Bah, surtout qu'en plus, Dortmund est très très bien placé. C'est vrai que c'est cette année ou jamais un peu le sentiment qu'on retient à la Bundesliga. Comme le Bayern n'est pas super en ce moment, franchement, je pense que vous avez raison. Et Liverpool qui court également, si on prend l'exemple de Liverpool, c'est un peu la même. Ils courent depuis je ne sais combien d'années après cette première ligue. Donc je pense que ce sont vraiment les deux clubs. Je sais qu'en Angleterre, ils préfèrent presque gagner la première ligue que la Ligue des Champions. Enfin, ça peut jouer aussi pour Tottenham, du coup, qui depuis des années a sa place dans les 4-5 premiers. L'an dernier, ils ont été très. Enfin, il y a deux ans, pardon, ils ont été très proches. Donc, je pense que Tottenham peut-être aussi se dire, peut-être pas non plus s'excuser, mais à mon avis, ils vont jouer le coup Ligue des Champions à fond. Maintenant, ça reste le B4B, donc on sait pas de quoi ils sont capables. L'avant-dernier match, avant de passer au gros choc, c'est l'Ajax Amsterdam contre le Real Madrid, et le Real qui s'en sort une nouvelle fois très bien. Arthur. Ouais. Oh oui, complètement. Après, ils sont pas super en ce moment. Est-ce qu'ils vont arriver à remonter le niveau avant février? Franchement, j'en suis pas sûr cette année. Autant l'année dernière, on s'en doutait un peu. Mais cette année, je trouve qu'ils ont vraiment du mal. Quelques lacunes. Je trouve que Cristiano Ronaldo leur manque énormément. Ouais. Et attention quand même, parce que mine de rien, l'Ajax, ils ont quand même titillé le Bayern Munich pendant toute la phase de groupe. Ils terminent, il me semble, avec 12 points. Et ils ont fait vraiment une belle phase de qualification. Donc pour moi, il faut vraiment se méfier de l'Ajax. Ça pourrait être la bonne surprise de l'année. Ils étaient même premiers, l'Ajax, face leur dernier match était le Bayern. Ouais. Bayern, ils étaient premiers à un moment. Premier du groupe. Oui, ils l'étaient, mais pas au moment où ils affrontent le Bayern. Mais un peu avant ils étaient premiers. Ouais. Je crois que le match d'avant. Puis, ils étaient à égalité de points avant la dernière journée. Voilà, c'est ça. Puis ils menaient 2-1 à la 82e. Voilà, donc, c'est ce que je disais. Ils étaient premiers. Je croyais que tu parlais lors des journées d'avant. Mais on avait tous compris différemment, je crois. Après, ça m'est venu à l'idée. Mais... Maintenant, en tout cas, j'ai un petit papier sur lequel je me suis mis des notes et j'ai dit exactement ce qu'a dit. Arthur, attention. En fait, je t'ai volé ton papier juste avant. Non, mais après, ce qui va dans le sens de l'Ajax, c'est qu'ils ont des pépites qui commencent à arriver à maturité. Alors, l'Ajax l'an prochain, ils vont rien faire du tout, je vous l'annonce. Mais là, cette année, il y a Luc De Jong, leur attaquant. Il y a aussi un autre De Jong qui est au milieu de terrain, il me semble, et qui lui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup scruté en Europe. Qui devrait, à mon avis, pas rester à l'Ajax, même peut-être lors du mercato hivernal. Peut-être. Donc. Ça faut se méfier aussi pour l'Ajax, on en parlait, mais l'Ajax peut se faire piller au mercato hivernal. Et le dernier gros match, Liverpool-Bayern Munich, ça c'est un des gros chocs. Comme j'ai dit, pour moi c'est comme pour Dortmund. Je vois le Bayern passer parce que je vois Liverpool mettre de côté la Ligue des Champions selon son classement au mois de février. Après, le Bayern peut aussi tenter de reconquérir la première place en Bundesliga. Non, mais le Bayern, ils peuvent nous faire une Real de l'année dernière, je pense justement. Ah ouais, tout miser sur la Ligue des Champions. T'en penses quoi de ce match, toi, Arthur? Ouais, pareil, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Johan. Je pense que le Bayern cette année, je pense qu'ils ont déjà fait une croix sur la Bundesliga et qu'ils vont vraiment tout miser sur la Ligue des Champions, à l'inverse de Liverpool qui va miser sur la Première Ligue. Donc franchement, et ces derniers temps, je trouve quand même le Bayern bien meilleur que par rapport à ce début de saison. Donc pour moi, Bayern. Puis en plus, Liverpool a montré qu'ils aimaient pas trop jouer contre des équipes joueuses parce qu'ils ont pas vu le jour contre Paris. Le Bayern, c'est un peu ce style de jeu là. Et pour vraiment mettre la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est le fait que Ribéry et Robben prennent leur retraite à la fin de la saison. Et je pense que le Bayern, dans son ensemble, dans sa globalité, va vouloir leur offrir un dernier titre européen avant leur départ. Et un ballon d'or pour Ribéry. Ouais, ça serait beau. Allez, on y croit. Ouais. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Franquiste, tu nous écoutes. Et pourquoi? Allez, on fait une petite pause musicale avant de parler de la Ligue 1. To try my love and see how well it fits. Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. Sur Studek Web. Et on est de retour, on a tourné la page Ligue des Champions, on va parler Ligue 1 parce que samedi soir c'est la 19e journée de Ligue 1, c'est-à-dire la fin de la phase aller. Alors que retenir de cette phase? On va commencer avec tes tops, Johan, ce que tu as retenu de positif. J'avais pas allumé mon micro, c'est honteux, autant pour moi. Eh ben ok, on va commencer par mes tops. Genre, j'en ai fait 3, j'espère que tout le monde a fait comme moi. Hein. Oui. Pour moi, oui. Des tops, c'est 3 de toute façon. Donc comme ça, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mon top principal, Tuchel. On en a parlé un petit peu, mais oui. Autant sur plusieurs années, je me suis un petit peu lassé de voir Paris arriver. Même quand Monaco a bousculé cela, l'année d'après, c'est vite revenu à la normale. Donc voilà, c'était un petit peu chiant, pour être honnête. Autant, autant cette année, je prends un vrai plaisir. Je me dis, mais là, clairement, même si la Ligue 1 était meilleure, eh ben, on ne pourrait pas faire quoi que ce soit contre Paris. Parce que Paris joue trop bien, parce que Paris marque des buts magnifiques, marque quasiment tout le temps. Il y a eu deux matchs nuls d'affilée. Les gens sur Terre se sont dit que c'était un ovni que Paris fasse deux matchs nuls d'affilée. Te dire le niveau du Paris Saint-Germain qui a fait je ne sais plus combien de victoires d'affilée, 13. 13, ouais. 13. 13. C'est absolument exceptionnel. Donc Tuchel est mon top principal. Arthur, t'es d'accord avec ce top? Bah oui, de toute façon, je peux que être d'accord. Vu le bilan qu'affiche le PSG à la trêve hivernale, on peut que être d'accord. C'est vrai que Tourelle a complètement changé le jeu du PSG en bien. Parce que c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un nouveau cycle. Donc oui, je suis totalement d'accord avec Yohan. Tourelle mérite d'être dans ces tops, même si je ne l'ai pas mis. Et t'as mis qui, toi? Moi, j'ai mis Lille. T'as mis, bah oui, Lille. En premier, mais Lille, ils me font extrêmement plaisir cette année. Je trouve que c'est une superbe équipe à avoir joué. Il y a de la vitesse devant, bien sûr, bien aidé par la super moitié de saison de Pépé. Qui, franchement, l'année dernière, je me suis dit, c'était peut-être pas un bon coup d'aller le chercher à Angers. Et au final, cette année, bah, il montre à tout le monde que c'est vraiment un grand joueur. Et franchement, je pense qu'il va aller très loin. J'aime beaucoup le jeu de Lille cette année. Donc on a eu Tourelle, Lille, Antoine, top. Il y a du talent. Moi, mon top, alors pour ce début de saison, parce que c'était un des gros points d'interrogation, ça va être l'alternance des gardiens au PSG. Parce qu'on se disait vraiment, ça n'a pas marché avec Trapp, pourquoi ça marcherait avec Buffon? Mais là, Buffon fait le travail quand il est là, Areola le fait, Areola qui est blessé. D'ailleurs, info qui est tombée là, cet après-midi vers 14h, Areola qui a prolongé son contrat avec le PSG. Donc ça prouve quand même la confiance qu'a le club, ou alors c'est le... On te prolonge pour te vendre, mais ça m'étonnerait. Donc ouais, non, je trouve que là, le PSG fait un bon boulot avec ses gardiens, ce qui n'était pas gagné au départ. Johan, il y avait trois tops. Ouais, alors, le deuxième, on va passer vite, c'était Lille. Bah, Lille, raisons, voilà, qu'Arthur a signifié. Et donc ton troisième top, vas-y. Mon troisième top, ça va être les attaquants. Les attaquants, parce que cette saison, je me régale quand je regarde certains matchs de Ligue 1. Je pense au trio magique du PSG, au duo magique de Lille, Pépé et Bamba, 20 buts sur 28, marqués par le LOSC à E2, donc c'est énorme. Je pense à Cazri à Saint-Etienne, je pense à Thauvin à Marseille, à Salah à Nantes, à Camano à Bordeaux, et même à Motiba à Strasbourg, qui est une très très grosse surprise cette saison, Motiba. Aucun Lyonnais. Ouais. Comment? Aucun Lyonnais. Ouais, c'est vrai que Lyon n'a pas d'attaquant qui pointe à 8 ou 9 buts cette saison, je crois. Alors, ils ont une équipe homogène, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient un attaquant qui soit à 8 ou 9 buts. Aouar a mis pas mal de buts. Aouar en met beaucoup. Oui, il a 5 ou 6. Mais pour le coup, je n'ai pas souvenir d'avoir un attaquant de Lyon qui a 8 ou 9 buts. Ils marquent tous un peu. Enfin, tous mais par contre, oui, si on met... Je pense qu'il y a bien 3-4 joueurs à 7-8 buts, à mon avis. Ouais, voilà, 6-7. Après, si je suis dans ma logique, oui, on met évidemment Lyon dedans. Mais c'est de manière générale. C'est global, quoi. C'est un jeu offensif, en fait. C'est ça, c'est un jeu offensif. La Ligue 1 se tourne enfin vers l'offensif. Alors, on a toujours des matchs où on s'emmerde, on peut le dire. Mais pour le coup, il y a quand même de plus en plus de matchs où tu prends ton pied. Je pense qu'on regardera pas un Strasbourg PSG de la même manière qu'on le regardait l'année dernière. Puis en plus, excuse-moi, Arthur, je te coupe, mais aller dans le sens de Yohan, on voit de plus en plus d'équipes qui essayent de jouer, même sans forcément réussir. Je pense à Dijon, par exemple. Le travail que fait Dalloglio à Dijon, ça rend des matchs très agréables. C'est vrai. Après, malheureusement, pour Dijon, ça paye pas souvent. Ils sont souvent... On reviendra sur pourquoi ça paye pas dans un de mes flops. Ils n'arrivent pas à concrétiser ce jeu offensif. Mais en tout cas, c'est sympa à voir. Et c'est une mentalité qu'il a apportée, je pense, en venant de Ligue 2. Parce que c'est l'un des seuls qui a prouvé que les petites équipes pouvaient aussi jouer. Arthur. Non, puis aussi, je trouve... Entre Strasbourg et Nîmes, il y a quand même une ambiance. Ces deux clubs ont apporté une grosse ambiance dans les stades et ça fait plaisir. Je suis désolé, mais Nîmes, quand j'ai vu Nîmes PSG, mais c'était chaud. Ça a vraiment apporté un plus en Ligue 1, je trouve. C'est fini ces stades où il y avait 5000 personnes, où on s'ennuie. Et vivement que l'on se remonte. Monaco, mais... Vivement que l'on se remonte aussi pour ces ambiances-là. Ouais, c'est vrai. Oui, faudra voir ça. Arthur, un top encore? Il t'en reste combien? Un top, moi j'ai mis l'arbitrage vidéo. Même s'il y a eu quelques couacs cette année, je trouve que c'est très bien de l'avoir apporté aussitôt dans notre championnat. Et je trouve au final qu'il y a, même s'il y a eu quelques scandales, allez, on va dire 4-5 max, franchement, par rapport aux autres années, je trouve que ça a beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de matchs volés, j'ai envie de dire. Et franchement, bravo à l'arbitrage vidéo. Antoine, t'es d'accord avec ça? Je savais que t'allais me demander parce que je suis le seul autour de cette table qui suis globalement contre. Après, les raisons pour lesquelles je suis contre, c'est une vision du foot. Mais voilà, le fait est qu'elle est là et que quand elle est bien utilisée, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, par idéologie de football, on va dire, je suis contre. Mais oui, j'ai aucun problème avec le fait. Elle a très bien marché. Il y a eu des couacs, comme l'a dit Arthur, mais c'est une nouvelle technologie, il faut que les arbitres s'adaptent. Voilà. Après, c'est plus une vision du foot qui est différente avec le problème de révélateur sur leur jeu, mais ça, c'est un autre débat qu'on n'a pas forcément le temps de développer aujourd'hui. Johan. Alors pour conclure, juste sur les tops, on parlait de l'attaque de Lyon. Aouar est le meilleur buteur avec 6 buts. Ensuite, Memphis et Bertrand Traoré à 5 buts. Dembélé à 4 buts. Fekir à 3 buts. J'avais complètement oublié Moussa Dembélé. Mais Lyon est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Mais Lyon est la deuxième meilleure. Bah après, 6 buts, 5, 5, 4, 3. On est avec un Fekir pas en forme. Ils vont avoir plusieurs joueurs à 10 buts sûrement Lyon à la fin de la saison. Égalité avec Marseille. Marseille qui fait partie des meilleures attaques de Ligue 1. Ah, là, c'est toi. Ah, mais c'est au niveau défense. Mais après, quand je regarde là, j'ai le classement, c'est pas énorme hein, les attaques. Hein. C'est 29 buts pour Lyon, 29 buts pour Marseille, 49 pour Paris quand même, voilà. 28 Lille, 24 Montpellier, 25 Saint-Etienne. Après, t'as Nice et Reims qui arrivent à être 7e et 8e du championnat, avec déjà une différence de buts négative et seulement 13 buts en championnat. 15 buts pris et 16 buts pris. Nice 15 et Reims 16. C'est quand même, c'est plus les défenses qui sont mauvaises que les attaques, j'ai l'impression. Donc c'est vrai. C'est dans mes flops. Voilà. T'avais un autre top peut-être, Arthur. Un autre top, j'avais mis Neymar, mais dans le classique, quoi. On en a parlé tout à l'heure, donc je sais pas si on peut développer là-dessus. Voilà. Désolé, Johan. C'est le replacement de Neymar en 10. Ouais voilà. Mais... Et Antoine, il t'en reste un. Il reste deux, moi. Il t'en reste deux. Bah allez, dis-les. Mon deuxième, ça va être Emiliano Sala. C'est vrai. Parce que Salah qui devait partir à la base de Nantes. Il voulait Liverpool. Partir. Il avait été mis de côté même par. Merci Yann pour cette super blague. J'ai mis un temps à percuter. J'ai regardé Yann, je me suis dit vraiment. Il avait été mis de côté par Nantes en tout début de saison avant de finalement faire son retour, de marquer dès son retour. Et maintenant, il fait une saison qui est. Il y a un petit coup de mou là sur ses derniers matchs, mais quand même. Qui est prévisible pour, pour les joueurs de cette académie. Mais franchement, un gros respect à Salah qui a été pendant un petit moment le deuxième ou troisième meilleur buteur de Ligue 1 pendant un assez long moment. Donc, après son triplé, là, il a mis un triplé. Et premier égalité, là. Oui, voilà, premier c'est ça, égalité avec Mbappé et Pépé. 12 buts. Et il a marqué la moitié des buts de Nantes. Voilà. Et ton deuxième top, enfin ton dernier top. Mon dernier top, il va aller pour Falcao. Parce que franchement, il a du mérite de quand même rester. Il s'accroche. Il est allé chercher stop. Je vois qu'Yohan, tu doutes, mais franchement, c'est peut-être l'un des seuls qui se bat. Alors, je vais pas dire qu'il réussit tout. Il a raté des face à face. Il a manqué des buts. Mais dans l'état d'esprit, Falcao, c'est l'un des seuls qui est irréprochable au niveau de l'AS Monaco dans sa globalité depuis le début de saison. C'est ça que je veux dire. Il a raté des belles occasions quand même. Ah oui, non mais complètement. Il est en manque de confiance et beaucoup de choses. Mais lui, au moins, il se bat et c'est ce qu'on parlait. On va faire un parallèle avec Cavani. Cavani qui rate plein d'occasions, mais il se les procure. Falcao, c'est un peu la même. Bah justement, on parle de Falcao, on va parler de Monaco dans les flops. Je pense que certainement, on y a tous pensé. Pas Johan, mais oui, bien sûr. Ouais. Il ne les a pas mis, mais Monaco, c'est peut-être le plus gros flop de cette saison, Arthur. Bah moi, je n'ai pas mis Monaco, j'ai mis Thierry Henry. Parce que certes, c'était plus pour montrer, parce que quand Thierry Henry est arrivé, franchement, on se l'est tous dit, oui, il va sauver Monaco va aller bien mieux. Ah non, pas du tout. Bah, moi, je me suis dit, tout seul dans ma tête. C'est un des seuls athlètes dit, d'ailleurs. Ah bah moi, j'étais complètement persuadé par rapport à l'effectif qu'il y avait, pour moi, ils allaient mettre 2-3 matchs à se remettre dedans, puis après, ça allait tourner un peu en rouleau compresseur pendant 5-6 matchs. Et franchement, là, je suis extrêmement déçu de Thierry Henry. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mes flops, mais moi je m'y attendais vraiment pas. Je te trouvais un petit peu dur, du coup après si t'avais cette attente là ça peut se comprendre, mais je te trouvais un petit peu dur parce que je pense que tu mets n'importe quel entraîneur à Monaco, là ça marche pas. Tu peux pas changer 20 joueurs de l'effectif chaque saison et penser que tu vas toujours t'en sortir, c'est pas possible. Oui mais il y a quand même une qualité dans l'effectif de Monaco qui permet de jouer autre chose que la 19e place quand même. Oui et non parce qu'il y a beaucoup de blessures, mais même il y avait 15 blessés quand même. Il y a énormément de blessures quand même, et on sait qu'il y a des blessures de très longue date. Je pense à Ronny Lopez qui n'a pas joué un seul match depuis le début de la saison, l'arme de Monaco, clairement. Il devrait pas l'avoir vendu pour le coup, Ronny Lopez. Ah bah oui. Parce que l'an dernier, il valait assez cher. Ah bah oui. Mais ils se sont dit pour une fois, tiens, on va peut-être faire une exception. Et pas de bol. C'était le meilleur joueur de l'année dernière. Ouais. Ronny Lopez, c'était le meilleur joueur même de, sur la demi-saison, c'était le meilleur joueur de Ligue 1. Voilà. Exactement. Mais le problème de Monaco, c'est que quand tu achètes et que tu vends des joueurs à tour de bras chaque saison, il y a un moment, il y a un problème d'adaptation. Alors oui, des fois ça tourne, mais ça tourne à condition de garder des cadres. Et là, quand tes cadres, ils sont pas au niveau, je pense à Glick, qui est plus du tout au niveau. Falcao, donc, qui est dans une spirale négative. Forcément, bah, c'est compliqué. Puis surtout au milieu de terrain, ils ont perdu Fabinho. Et Tillmans qui a du mal à confirmer, ouais, quand même. Tillmans, mais en fait le problème c'est que Tillmans n'avait pas confirmé l'an dernier, et là ils ont perdu Fabinho, qui était Fabinho et João Moutinho. C'était leurs deux clés de voûte au milieu de terrain, c'était la clé de voûte du système monégasque. Et là, ils ont vendu leurs deux joueurs clés alors que la relève n'était pas encore assurée. C'est complètement idiot. Et on a la preuve que ça ne fonctionne pas. Bienvenue dans le système de Monaco. Un autre club, toi, qui a un flop, c'est Guingamp. Ouais, pour moi, c'est Guingamp. Yoann. Et c'est un flop qui me fait presque mal au cœur. Parce que quand je vois comment Antoine Camboire fait jouer ses équipes, c'est un entraîneur, pour le coup, qui est offensif. Ouais. Et quand je vois l'effectif qu'a Guingamp, de base, là, je pense que c'est un effectif qui ne mérite pas d'être dernier. Ah bah non, pas du tout. Il y a beaucoup trop de talent dans cette équipe, avec un recrutement qui était pour le coup pas mal. Aujourd'hui, on se remoque de lui, mais je pense que Nolan Roux est un très bon joueur, par exemple, pour Guingamp. Et Guingamp, c'est dernier avec, je crois, 8 points. C'est ça, 8 points, une seule victoire, 5 matchs nuls et 11 voilà, défaites. Zéro victoire au Roudourou, alors que le Roudourou, mine de rien, c'était le stade chez qui tout le monde pouvait se casser la figure. Paris a perdu au Roudourou. Voilà, et là, zéro victoire à domicile, avec la qualité, je pense à des joueurs comme Ludovic Blas, comme Marcus Coco, comme Marcus Thuram, que j'aime beaucoup. C'est pas normal que Guingamp soit dernier avec 8 points. Pour moi, c'est pas normal. Même, ils ont un excellent gardien, ils ont une défense qui tient la route. Il y a, je sais, 34 buts en question. C'est difficile de dire ce qui va pas. Camboire qui prolonge et qui finalement est licencié. Ouais. C'est comme quoi, c'est vraiment une. C'est un gros point d'interrogation. C'est un club très bien géré, en plus économiquement, qui est sain. Donc vraiment, je vois pas ce qui va. Comme quoi, le foot, c'est vraiment une question de spirale en fait. Là, ils sont dans une spirale négative et pour en sortir, c'est hyper compliqué. C'est ça. Là, ça va être compliqué. Après, ils sont qu'à 8 points du premier match. Ouais, c'est clairement pas perdu. C'est l'espoir qu'ils ont. Quoi. Mais en fait, dans la tête, même si c'est pas perdu, quand tu te vois 20e de Ligue 1, c'est un coup très très dur au moral. T'as beaucoup de clubs qui se sont pas relevés. Je pense à 3 par exemple. Ouais. Qui a fait une deuxième partie de saison correcte, mais qui a traîné toute la fin de la saison, le boulet de la première partie de saison a manqué et qui a fini par descendre en Ligue 1. À rappeler qu'il y a un Monaco-Guingamp samedi, qui va être le match de la peur pour ce dernier match de la première partie de saison. Vous imaginez quand même, je fais une parenthèse, mais Monaco dernier de Ligue 1. Ah bah. Ça l'a été un moment. Ouais, mais. Ouais, mais bon, avec l'effectif qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, est-ce que tu peux te figurer dans ta tête Monaco dernier de Ligue 1, c'est incroyable. Mais Monaco, je sais pas si vous vous en souvenez, ça me fait penser à 3 ou 4 ans Dortmund, qui était dernier de la Bundesliga à la mi-saison. Ils finissent 7e, je crois, parce qu'ils se rattrapent, forcément. Mmh. Mais ils avaient Aubameyang, Marco Reus, ils finissent dernier de la Bundesliga à la mi-saison. Il y avait rien qui allait. Donc, à voir. Vraiment, des clubs, la spirale négative, comme t'as dit Antoine, est-ce qu'on s'en sort? On saura tout ça dans 6 mois. Le petit teaser là. Écoutez les titulaires pour le savoir. Exactement. On va faire une petite pause musicale et on va se retrouver juste après pour parler Rabiot, Hernandez, on va parler Mercato. C'est juste après ça. You say love is messed up. You say that it don't work. You don't wanna try, no, no. Baby, I'm no stranger to heartbreak and the pain of always being let go. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight, tonight. So it's love is nothing more than just a waste of your time. Waste it on me, waste it on me. Tell me why not, waste it on me, waste it on me. Baby, why not, waste it on me, waste it on me. Tell me why not, waste it on me, waste it on me. So we don't gotta go there. Past lovers and warfare. It's just you and me now. I know your secrets, but I'll pick up the pieces. Pull you close to me now. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind. But we both found each other tonight, tonight. So it's love is nothing more than just a waste of your time. Waste it on me. Waste it on me. Tell me why not. Waste it on me. Waste it on me. Baby, why not. Waste it on me. Waste it on me. Tell me why Don't you think there must be a reason? Yeah, like we had our names. Don't you think we got another season that come after spring? I wanna be your summer, I wanna be your wife. Treat me like a comma, I'll take you to one of fries. Yeah, come just eat me and throw me away. If I'm not your choice, bye, wise, ways. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind. Wasted on me, wasted on me. Tell me why I'm not wasted on me, wasted on me. Baby, why I'm not wasted on me, wasted on me. Tell me why I'm not wasted on me, wasted on me. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et c'est la fin donc de ce bilan Ligue 1. On se retrouve pour parler d'Adrien Rabiot. Rabiot qui va partir à la fin de saison libre. C'est la fin de son contrat à la fin de saison. Est-ce que c'est un gâchis, non, Johan? C'est une évidence pour moi. Alors c'est ce genre d'histoire finit toujours comme ça. Le joueur fait, on va dire, laisse les spéculations pendant plusieurs mois et va traîner ça encore et encore jusqu'à un moment où il y a toujours en interne, une info qui va surgir où on apprend que finalement il ne prolonge pas, donc il sera écarté. Voilà, c'est, pour moi, c'est une évidence. C'est un gâchis, évidemment. Oui, pour répondre à ta question, évidemment que c'en est un. Mais c'est une évidence d'un autre côté. Je pense que quasiment personne n'est surpris ici que Rabiot ne prolonge pas avec le PSG. Mayet, surpris un petit peu quand même. Parce que, après, tu le dis, ça arrive souvent, c'est vrai. Mais là, c'est un contexte particulier avec un joueur qui est formé au club, qui a été déniché par le club, qui a grandi avec le club, en fait, Rabiot. Parce que Rabiot, c'est Laurent Blanc, je crois, ou Carlo Ancelotti, je crois, qu'il l'utilise pour la première fois. Il a vraiment suivi les étapes du développement du club plus que n'importe quel joueur qui est présent dans l'effectif du PSG aujourd'hui, à part Kimpembe. Mais le problème, c'est que on a toujours su les petites difficultés qu'il avait à gérer son agent, donc sa mère, Véronique Rabiot. Et depuis, quand Théo Henrique est là, c'est encore pire, parce que Henrique, il est intransigeant. Parfois peut-être un petit peu trop, certains diront. Il y a des petits problèmes aussi en interne avec Henrique, mais ça c'est un autre débat. Mais le fait est que Rabiot, ça fait 2 ans que Paris veut le prolonger, 2 ans qu'il ne prolonge pas. Et justement, Véronique Rabiot, tu en parlais, Antoine, qui s'est exprimée au micro d'RTL. Lors du mercato d'été, j'avais signifié à M. Henrique que je voulais qu'Adrien soit mis sur la liste des transferts, puisqu'Adrien voulait quitter le club. Le club n'a pas souhaité vendre Adrien. Il y a eu une proposition de Barcelone pendant le mercato. Le club a refusé. Donc ensuite, effectivement, la situation devient très très compliquée puisque le joueur veut partir et que le club ne veut pas le laisser partir. Ce qu'il fait aujourd'hui, il achète sa liberté. Voilà, il achète sa liberté. Il achète sa liberté, Arthur, des mots forts. Donc oui, Rabiot, il faut qu'il se méfie parce que franchement... avec ce qu'il a fait cet été en équipe de France, voilà, où il s'est tiré une balle dans le pied, ça commence à faire beaucoup, je trouve, en 6 mois. Et attention, Adrien, de ne pas aller s'enfermer, je ne sais pas où, dans un club, faire une Fabinho un petit peu, même s'il a joué ce week-end avec Liverpool. Mais s'il part dans un club, je ne sais pas, on va dire Manchester City, pour ne pas jouer au final, s'enfermer, c'est peut-être une grosse erreur de carrière qu'il a fait cette année. Après, ce que Rabiot et sa mère ont du mal à voir, c'est que Rabiot est choyé au PSG. Adrien Rabiot, bon, alors on va dire qu'il est arrivé à la bonne période du PSG où il y avait un trou au milieu, il a pu faire son trou, il a aussi su saisir sa chance. Mais par contre, il a toujours été mis dans les conditions de confort, on va dire, de son club formateur, de son cocon familial. Il n'a pas vécu ce que beaucoup de jeunes joueurs ont vécu, c'est-à-dire le départ dans un autre club très tôt, très vite. Lui, pour le coup, c'est un plan de carrière. En soi, s'il partait, on va dire, entre guillemets, normalement l'été dernier, ok, parfait. C'est un plan de carrière qui est parfaitement, le mec, il attend d'être à l'aise, de se montrer dans son club formateur, il veut voir ailleurs, il voit ailleurs. Après, il ne faut pas négliger l'implication du PSG dans cette affaire aussi. Après, le problème, c'est que ça a quand même toujours été tumultueux entre Rabiot et le PSG. Je me souviens, quand il avait été prêté à Toulouse, je crois qu'il avait fait une demi-saison à Toulouse, il était revenu en disant que plus jamais il voulait se faire prêter. Oui. Donc il avait 18 ans à ce moment-là, il se voyait déjà presque titulaire au Paris Saint-Germain, qui avait à ce moment-là le milieu de terrain Verratti, Mota, Matuidi, qui était un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Et il avait déjà, on va dire, un ego pas surdimensionné, mais presque. Pas loin. Et depuis, chaque année, il y a toujours un problème avec Rabiot. C'est quelqu'un, il y a au moins un retard chaque saison. Il y a toujours une histoire de retard chaque saison avec Adrien Rabiot. Il y a toujours une histoire de « je t'aime moi non plus », que ce soit avec les supporters ou avec le club en interne. Donc voilà, dès le début, ça fait quand même 4 ans qu'on sait que Rabiot est un chieur. Pardonnez-moi le terme, mais c'est le cas. Après, bah, la seule question, c'est comment ça va se passer ensuite. Est-ce qu'il va passer donc toute Arthur, ça passe ou ça casse. Il va passer toute la fin de saison là, sur le banc, et ça peut jouer aussi. Après, faut voir, ça peut l'inciter à prolonger. C'est le Barça. Ça peut l'inciter à prolonger, ça aussi, mais me paraît un peu tard. C'est ce que Manchester avait fait avec. Est-ce que vous pensez qu'il va pas partir cet hiver? Sa mère a dit non. Il partira pas cet hiver, mais par contre, sanctionné. À Paris, il vendra pas. Il met de la vie. Par contre, sa mère, en tout cas Véronique Rabiot, du coup, va négocier avec des clubs en janvier directement. Oui, c'est possible. Et il aura trouvé un club en juin. Oui, c'est Rabiot. Ah, même avant. Ouais, même avant. Si on parle beaucoup de son caractère. Parce qu'on peut affirmer un transfert avant. On parle beaucoup de son caractère, mais son niveau de jeu est quand même exceptionnel. C'était un des meilleurs joueurs parisiens du début de saison. Ça, on n'en doute pas, c'est pour ça qu'on en débat. Donc, en tout cas, Barcelone est sur le qui-vive pour le prendre. On va parler d'un autre Français, c'est Lucas Hernandez. Et c'est une info que tu nous as dit hier soir, Johan. Hernandez au Bayern, bonne ou mauvaise idée? Fausse bonne idée. Je pense pas que c'est là que le Bayern doit recruter. On est d'accord pour dire que l'attaque est vieillissante, que ça fonctionne plus. Pourquoi recruter un défenseur central? Parce qu'il jouera pas à gauche, il y a là-bas. Alors, pourquoi le recruter? C'est 80 millions d'euros. Oui, c'est énorme. Ça sera le plus gros transfert de l'histoire du Bayern. Après, je comprends pas ce transfert. C'est beaucoup trop. Il faut arrêter. Il a juste fait une bonne Coupe du Monde. Après, ça, c'est les montants, les transferts maintenant. C'est la clause libératoire. Le Bayern a dit. De toute façon, là, si le Bayern le voulait, je pense qu'il fallait payer la clause. Parce que il y aurait eu beaucoup de clubs sur Lucas Hernandez. Et là, je pense que le Bayern, ils se sont dit, bon, on va pas lui laisser le choix. Il va venir chez nous. Mais par contre, je pense que là où tu te trompes, Johan, je pense que c'est plutôt Alaba qui va glisser en défense centrale. Parce qu'il a fait plusieurs matchs très intéressants dans cette disposition. Après, c'était sous Guardiola. Donc c'est aussi autre chose. Ça ne change pas que pour moi, c'est en attaque. Robben et Ribéry qui s'en vont. Je pense qu'ils vont quand même combler ses départs. Qui est sur le déclin un peu, c'est un peu bizarre. Ouais, on espère complètement renouveau, sur le déclin. Mais ils vont recruter en attaque, hein, c'est sûr. C'est juste que là, ils se sont assurés juste d'avoir Lucas Hernandez. D'accord. On est seulement au mois de décembre, hein, donc je pense. Non, mais c'est vrai, mais je sais pas, pour moi, alors que le Bayern justement n'y arrive pas cette saison, c'est bizarre d'annoncer. C'est pas le Bayern qui l'annonce, c'est Marca. Mais cela n'empêche que si c'est ça la première recrue à 80 millions, c'est bizarre pour après, le Bayern. Le Bayern a toujours fonctionné comme ça. Hein. Combien de temps avant ils avaient quand même mis 45 millions sur Ravi Martinez, hein, quand même, ce qui était un peu. Personne n'avait trop compris. Qui avait fini en défense centrale. Tout le monde va finir en défense centrale, de toute façon, au Bayern. Lewandowski, défense centrale. Bah franchement, je suis sûr qu'il serait pas si mauvais que ça. Oh, je pense qu'il serait bon partout, Robert. Ah oui, Robert, je pense qu'il serait bon partout, mais voilà. Mais pour la suite de la carrière de Lucas Hernandez, après pour lui, joli coup par contre. Surtout qu'avec la hargne et on va dire ce côté chieur totalement et assumé de la part de Lucas Hernandez, je pense que la Bundesliga ça lui correspond très très bien. Il va apporter un truc qui manque au Bayern. Bon choix de carrière pour Lucas Hernandez. Surtout si quand Thomas Müller va s'en aller, il va apporter quelque chose qui va manquer au Bayern parce que dans l'effectif, à part il y a Müller qui a ce petit côté un peu limite roublard en fait. Il n'y a personne d'autre qui l'a, donc je pense que c'est aussi pour ça que le Bayern s'est précipité vraiment sur Lucas Hernandez. Et Lucas Hernandez, par contre, qui n'est pas non plus titulaire indiscutable à l'Atlético aussi, hein. C'est peut-être pour ça ce choix. Il y a Godin, il y a Jiménez, il y a Philippe Luis dans sa zone. Ça peut jouer, c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il joue, les performances sont là. J'ai pas souvenir d'un mauvais match cette saison de Lucas Hernandez Philippe Luis, moi je suis pas convaincu perso, mais après ça. Depuis qu'il est parti à Chelsea, C'est plus Philippe Luis de l'Atlético en 2014. Ça. Quoi. C'est ça. Voilà. Arthur, une petite réaction sur Lucas Hernandez? Non. non, si, bien sûr. non, franchement, pour moi, oui, c'est un bon choix de carrière. Je pense que Lucas Hernandez peut-être s'essouffle un petit peu en ce moment à l'Atlético Madrid. Du coup, on a vu qu'en général, les Français en Allemagne, ça fonctionne plutôt bien. Donc franchement, je trouve que ce serait un bon choix de carrière pour Lucas Hernandez. Il n'y a pas un autre club qui pourrait l'accueillir, le petit Lucas? Je vois plus l'Italie ou l'Allemagne, hein, pour PSG, moi. PSG, par exemple. Écoute, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça, mais. On n'y a pas pensé. C'est très intéressant. C'est joli, ça marque des buts, mais au bout d'un moment. Voilà quoi. Non, vous savez quoi? C'est l'instant d'Arthur maintenant. Voilà. On va point Fourcade. Un point Fourcade. Allez. C'est le point Fourcade avec Arthur Vincent. Eh ben le point Fourcade, c'est parti. Hein. Il y a 15 jours, souvenez-vous, Martin Fourcade était au plus mal. Il était pas bien, clairement. 24e du sprint, abandon sur la poursuite. Tout le monde l'a pensé. Hein. Martin a 30 ans, c'est l'heure du déclin. Mais je dis non, un grand non. Il n'est pas comme ça, Martin. En effet, le week-end dernier se déroulait la deuxième manche de la Coupe du Monde à Orfilsen, en Autriche. Avant le départ du sprint, on a peur. Est-ce que Fourcade a retrouvé son niveau? Eh bien, je dis oui. Il finit deuxième juste derrière son concurrent direct, hein, Johannes Bö. Mais Martin a déjà les yeux rivés sur la poursuite du lendemain pour être en confrontation directe avec le Norvégien. La poursuite est lancée. Martin Fourcade revient dès le deuxième tour sur Bö. Le combat est féroce mais serré. Johannes craque totalement lors du tir debout. Mais Martin, non, pas Martin. Au terme d'un superbe dernier tir, Fourcade s'envole et ne laisse que des miettes à ses adversaires. La légende renaît de ses cendres tel un phénix et il va chercher sa deuxième victoire de la saison. Les Norvégiens, les Allemands, les Russes, toutes les nations peuvent avoir peur de lui. Et c'est la petite chanson. Oh, c'est Martin Fourcade. Oh, c'est Martin Fourcade. Oh, c'est Martin Fourcade. Oh, c'est Martin Fourcade. Oh, c'est Martin Fourcade. Oh là là. Même quand il est pas en forme, il arrive toujours devant. C'est le plus fort, c'est le meilleur, il est toujours gagnant. Johannes Bö, Tarja Bö, ce sont ses concurrents. Dommage pour eux, car au final, ils sont toujours perdants. Oh oui, c'est qui? Oh, c'est Martin Fourcade. Eh, tout le monde, tous ensemble. Oh, c'est Martin Fourcade. Ah, il est heureux de la faire. C'est Martin Fourcade, je t'aime Martin. Oh, mais on le voit. Oh, là, ça là, sent. Là, là. Mais j'ai jamais vu autant d'amour pour quelqu'un. Ah, j'adore ce mec, c'est un génie. Il a dansé, il était dedans. On a retrouvé Freddie Mercury dans Arthur. Quoi. C'est dur, hein, en plus. Je l'ai envoyé à The Voice. On va l'appeler comme ça. Allez, Arthur Mercure. Arthur Mercure. Ouais. Ah, c'est un... Freddy Vincent. Allez. Il ne me reste plus que sur cette chanson à vous dire au revoir. On va vous souhaiter bonne fête. On conclut la web de Studek Web. Mais jamais, on s'en remettra jamais. Et c'était parfait, non, pour finir l'année. C'était magnifique. C'est nouvel an. C'est mon cadeau de Noël. Un gros bisou à Martin Fourcade et à Kylian Mbappé, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Alors, joyeux anniversaire, Kylian. T'auras 19 ans, on le disait avec Johan en antenne, jusqu'à bah, toute ta tu vie. Seras mort. Toute ta vie. En fait. Et donc, c'est fou. Bah voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année, bonne santé. Et on se retrouve à la rentrée. Ciao. Studek Web. Une radio. Studek. Du kiff. Studek Web.